l'heure de retrouver Franck Ferrand aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 10 janvier 1920. Oui, le 10 janvier 1920, lorsqu'on crée la Société des Nations. Une des conséquences importantes de l'entrée en vigueur du maudit traité de Versailles qui avait été signé le 19 juin de l'année précédente. Alors, je dis maudit, vous savez que c'était une catastrophe ce traité de paix de la Première Guerre mondiale. La SDN est une première tentative de concertation des puissances à l'échelle mondiale. Elle a été imaginée et promue par le président américain Woodrow Wilson, qui en avait fait l'un des 14 points de son règlement de la Première Guerre mondiale. Et vous savez que finalement, le Congrès américain s'est refusé à ratifier le traité de Versailles. C'était quand même pas le moindre des paradoxes de cette institution, cette SDN, puisque l'État qui se trouvait à son origine a commencé par s'en abstenir. Mmh. Ça commençait mal, si je puis dire. Vous savez aussi que dans l'entre-deux-guerres, plusieurs autres grandes puissances vont quitter la Société des Nations. L'URSS, l'Allemagne nazie, le Japon, entre autres. Comment vouliez-vous, dans ces conditions, que la nouvelle institution puisse jouer un rôle vraiment efficace? La SDN, Franck, siégeait bien à Genève. Oui, en Suisse, en territoire neutre, dans des locaux construits exprès, le Palais des Nations, belle architecture. C'est l'amorce très balbutiante d'un gouvernement mondial, c'est la préfiguration de l'ONU, si vous voulez, et c'est fondamental dans la mesure où cette SDN témoigne d'un changement radical dans la philosophie diplomatique. On envisage maintenant de dépasser les antagonismes entre nations. C'est assez étonnant quand même. Du reste, la SDN aura eu davantage de succès qu'on ne le dit, ne serait-ce que dans la décennie 1920. Par la suite, bon, elle n'était plus de taille à s'opposer à ce qui se tramait. C'est Mussolini qui a dit « La Société des Nations est efficace quand les moineaux piaillent, plus du tout quand les aigles attaquent ». En effet, on l'a vu. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour parler du colonel Kadhafi.